Chapitre 26e. Peu de jours après, Henri était à la Cormelle. Personne ne l'attendait. Arrivé à la ville voisine, il avait voulu faire la route à pied. Sa course, parfois rapide, parfois paresseuse, le menait à travers champs. Quelle chose ne reconnaissait-il pas? Les mêmes chênes ombrageaient la place où deux sentiers se croisaient. Le vent qui en agitait le feuillage semblait le saluer. Il retrouvait le pont de mousse où un jour d'été le sommeil l'avait surpris. Les eaux limpides, si souvent franchies au retour des promenades avec Gilbert, coulaient sur le lit de cailloux dont ses pieds autrefois aimaient à suivre les bords. Là était l'affût où, pendant les matinées d'hiver, il guettait les canards. Quelle savoureuse miche de pain bis dévorée sous le vent de ce cabaret! Il apercevait, errant dans la lande, les brebis que gardait une bergère assise contre le tronc vigoureux d'un hêtre. Le troupeau s'effarait à son approche, puis s'arrêtait subitement, comme si le bélier qui menait la bande l'eût reconnu. Plus loin, l'arbuste avait grandi. Il trouvait un jeune bois où jadis un taillis montait à peine jusqu'à ses genoux. Une auberge neuve s'étalait majestueusement à l'angle d'un carrefour. Des bruits dont ses oreilles avaient gardé le souvenir s'échappaient des futaies et des hameaux. Certains aspects le retenaient longtemps à la même place. Puis il s'éloignait, et d'autres paysages s'ouvraient devant ses yeux. Il savait que derrière ce pli de terrain chargé de gros pommiers, et combien de fois n'en avait-il pas attaqué les branches, il découvrirait la Cormelle. Quelques pas l'y portèrent bientôt. Il aperçut le toit de chaume et la grande maison enfouie parmi les arbres. En trois bonds, il fut auprès de la haie. Les pigeons familiers volaient dans le ciel. Un sifflet sortait du milieu des sureaux et des lilas et se mariait au coup d'un battoir frappant le linge à temps égaux sur le bord du lavoir. « Noël est là. La bigorne aussi, » murmura le voyageur. En ce moment, deux jeunes femmes en habit de cheval parurent au détour d'un sentier et traversèrent le pré qui s'étendait devant la Cormelle. Elles marchaient au pas, aux bras l'une de l'autre, les jupes de leurs longues robes relevées. De légers voiles rejetés en arrière flottaient sur leurs épaules. L'une d'elles riait, la plus jeune regardait autour d'elle d'un air inquiet. Avant même de se rendre compte de ce qu'il faisait, Henri se précipita derrière un massif d'arbres qu'on voyait auprès de la porte d'entrée. Un trouble extraordinaire s'était emparé de lui. Était-ce bien Mademoiselle de la Morlaix qui l'avait devant lui? Léopoldine à la Cormelle? Pourquoi? Comment? Qui venait-il chercher? Était-ce le hasard seul qui l'y ramenait? Du premier regard, il l'avait reconnue. Son imagination ne l'avait pas trompé en la lui montrant parée de grâce et d'une élégante beauté. Les mois écoulés avaient assoupli l'ébauche commencée. Elle et sa compagne se rapprochaient lentement. C'est donc là la Cormelle, cette Cormelle dont tu m'as tant parlé? Dit à Léopoldine, la jeune femme qui marchait à son côté. Oui, répondit Mademoiselle de la Morlaix d'une voix un peu confuse. Je reconnais volontiers que l'endroit est agreste, un peu rustique même. Seulement j'y cherche en vain ces charmes pittoresques dont tu me faisais la description. Ne t'es-tu pas trompé? Non. L'étrangère s'arrêta et dirigeant sur les bâtiments de l'enclos un regard ailleurs. Une maison basse, des arbres, une fontaine, un herbage, plus loin un potager, et dans les environs des landes et des bois. C'est fort joli, sans doute, mais cela se voit partout. Il faut croire que l'hiver va bien à ce paysage. Il est certain que je le reconnais à peine, dit Léopoldine. En simple prose, ma mignonne, tu avais froid et tu avais faim. Un tapis de neige couvrait la terre. La bise soufflait, quelques loups rôdaient aux environs, et comme autrefois le petit Pousset cherchant refuge dans la maison de l'ogre, il t'a semblé que la Cormelle était magnifique, parce que tu y as trouvé le sommeil et une tasse de lait chaud. Peut-être, murmura Mademoiselle de la Morlaix qui marchait de plus en plus lentement et regardait toujours autour d'elle. Depuis cette époque, ta mère et toi, avez-vous eu des nouvelles de Monsieur le Duc de Carlepont, votre sauveur? Aucune. Et Madame de la Morlaix n'en a point demandé? Jamais. Je crois même que s'il savait qu'un temps de galop m'a ramené sous le toit qui m'a offert jadis l'hospitalité, je serais vertement réprimandé au retour. Ce n'est pas bien mal, cependant, ce que je fais là. On nous a si bien reçus à la Cormelle. As-tu quelquefois causé de cette aventure avec ta mère? Autrefois, j'en parlais souvent. La nuit, le vent, ses torches dans l'ombre, tout cela me faisait l'effet d'un conte de fées dont j'étais l'héroïne. Une imagination d'enfant, cela va vite. Plus tard, je me suis aperçu que ces conversations la contrariaient et je me suis tue. Ta mère, cependant, a le cœur reconnaissant. Et dans cette occasion, il s'agissait de toi, sa fille unique. Tu n'as rien compris, rien deviné, rien. Ce duc de Carlepont, chez lequel tu as dormi, est un homme d'une grande naissance. Si sa vie est celle d'un sauvage, il n'en a pas moins, dit-on, les manières et le langage du monde. Sa réputation est intacte. Intacte, ou je t'en réponds. Quand la mauvaise fortune l'a frappé, il a montré que son cœur était au niveau de tous les désastres. On l'a vu se retirer dans cette métairie. La pensée de son fils a désormais rempli sa vie. Et si faibles que fussent ses ressources, jamais un pauvre n'est sorti de la Cormelle les mains vides. Comment sais-tu cela? C'est le silence de ma mère qui m'a poussé à prendre des renseignements. J'ai cru à des mystères qu'on ne voulait pas raconter à une petite fille. Je me suis informé. Et j'ai appris tout uniment que M. de Carlepont était un galant homme, plein d'honneur et de loyauté. J'en ai glissé un mot à ma mère, elle n'a pas dit non. Et puis, elle m'a fait comprendre qu'il serait bon d'oublier cette aventure. Et c'est pour cela sans doute que tu te la rappelles si bien. Léopoldine sourit. On est toujours un peu femme malgré soi, dit-elle. Tu m'as dit tout à l'heure que M. de Carlepont avait un fils, un seul, n'est-ce pas? Poursuivit sa compagne. Oui, il s'appelait Henri. Je me souviens que du premier moment où je le vis, je le pris par la main et me mis à lui parler en le tutoyant. Un peu après, je m'endormais dans ses bras. Il avait l'air bon et résolu. Ce fut mon grand ami tout de suite. Il y a bien longtemps de cela, il me semble voir encore la chambre, le fauteuil, la tasse de faïence bleue, et le lait fumant dans lequel il émiettait pour moi la galette chaude apportée par la bigorne. L'as-tu revu depuis cette époque? Une seule fois. Il y a de cela quelque temps, un soir, au théâtre, au moment où le rideau tombait. Malgré les années qui s'étaient écoulées depuis notre séparation, je l'ai reconnu du premier regard. C'était la même expression avec une nuance de tristesse, et plus mal. Je ne sais pas s'il m'a vu. Désires-tu le rencontrer de nouveau? Léopoldine ne répondit pas. Les deux jeunes femmes étaient arrivées auprès de la porte. Un laquais s'y montra, conduisant deux chevaux par la bride. Bientôt elles furent l'une et l'autre en selle. Mademoiselle de la Morlaix tourna les yeux une dernière fois sur l'enclos. On entendait toujours les coups du battoir. « Oui, » dit-elle à mi-voix. « Il y manque quelque chose, la neige peut-être. » Les chevaux firent un pas. Henri sortit de sa cachette. Léopoldine l'aperçut et d'un geste rapide ramena son voile sur ses joues en feu. Un coup de cravache fit partir sa monture, mais tandis qu'elle s'enfuyait au galop, une branche d'aubépine que sa main avait cueillie et qu'elle caressait doucement s'échappa de ses doigts et tomba par terre. Henri ne fit qu'un bond et s'en empara. Lorsque Henri parut à la Cormelle, le duc n'y était pas encore arrivé. Il chassait chez M. de Bléré, qui était devenu propriétaire de quelques marais dans les environs. La bigorne poussa un grand cri en apercevant le voyageur. « Ah, notre maître » fit-elle. Elle fondit en larmes en l'embrassant. Quand le moment de la première émotion fut passé, Henri lui demanda si elle n'avait vu personne. « Vous voulez sans doute parler de Mademoiselle de la Morlaix ?» répondit la bigorne. « Oh que si, je l'ai bien vue. Mais comme elle ne s'est point nommée, j'ai fait semblant de ne pas la reconnaître. C'était une fillette, et c'est une belle demoiselle à présent. Ces gens-là ont quelque chose contre nous, pour sûr. Pas elle au moins. Elle, c'est possible, mais la mère. La demoiselle est arrivée il y a une heure, et m'a demandé la permission de faire un tour dans l'enclos. Elle avait, en parlant, une voix douce qui m'a fait la regarder. Son nom m'est venu sur les lèvres rien qu'en voyant ses yeux. « Entrez, » ai-je répondu. « Les gens du pays vous diront que les voyageurs sont toujours les bienvenus à la Cormelle. » Mademoiselle de la Morlaix a rougi, et je me suis retiré pour la laisser plus libre. Elle a tourné partout. Le vieux Falco, qui gronde volontiers, remuait la queue quand elle passait près de lui. Je la suivais du coin de l'œil, tandis qu'elle se promenait autour de la maison, et tout en battant mon linge, je me disais qu'une métairie où une belle jeunesse irait viendrait gaiement et gracieusement, comme le faisait la personne dont j'entendais le pas sur le gravier, serait agréable à voir et bonne à habiter. Cela m'a rappelé la soirée où elle s'est endormie sur vos genoux. J'en ai battu mon linge un peu de travers. Or, savez-vous ce que j'ai trouvé sur le banc, près de la porte, à l'endroit le plus apparent, et cela pas plus tard que tout à l'heure? Et quoi donc, s'il vous plaît? Cette petite bourse avec ce bout de papier, et voyez ce qu'il y a d'écrit au crayon dessus, pour les pauvres enfants du pays. Je pris la bigorne de tout donner en souvenir de moi. Elle n'a pas oublié mon nom, la belle demoiselle, et je gagerai qu'il y a un bon cœur sous sa belle robe de drap fin. Voulez-vous la bourse, notre maître ? Henri hésita. « Bon, vous réfléchirez, » poursuit la bigorne. « Donne, » dit Henri qui la glissa dans sa poche. « Tu ne sais pas, » reprit-il un moment après, « si mademoiselle de la Morlaix habite les environs. C'est la première fois que je la vois dans le pays. » Dès le lendemain, Henri fit un grand tour dans la campagne. Il ne découvrit aucune trace de celle qu'il cherchait. Il recommença les jours suivants. Il apprit alors que mademoiselle de la Morlaix, après avoir passé 3 ou 4 jours dans un château voisin, chez une parente de sa famille qui la retenait à Paris, venait de retourner auprès de sa mère. La saison devait s'écouler sans la ramener. Ce jour-là, Henri reprit plus lentement le chemin de la Cormelle. Le moindre bruit le faisait tressaillir pendant sa marche silencieuse. Il relevait la tête et regrettait de ne pas apercevoir dans la campagne une jeune fille en longue robe noire galopant sur un cheval. Pendant plusieurs semaines, il se renferma dans la métairie où son adolescence était écoulée. Il vivait en lui. Déjà, il savait par une première expérience combien sont incertaines les affections et trompeuses les exaltations du cœur. Il ne voyait plus clairement dans le sien et ne voulait pas l'exposer à de nouvelles erreurs. Henri, cependant, ne pouvait pas s'empêcher de penser à mademoiselle de la Morlaix avec une persistance qui l'étonnait. Elle-même ne l'avait pas oublié, puisqu'on l'avait vue à la Cormelle, et ce qu'il avait entendu lui prouvait assez que la trace laissée dans son cœur par l'aventure d'un jour ne s'était pas effacée. Des deux côtés, même souvenir, même émotion, un lien existait donc entre eux. Entré dans cette voie où le problème des choses mystérieuses ne tarde pas à se dresser devant l'esprit, le jeune solitaire se demandait si la Providence n'envoyait pas mademoiselle de la Morlaix sur sa route pour le préserver de nouvelles défaillances. Dans cet ordre d'idées, elle devait être tout à la fois et le guide et la récompense de ses efforts. Mais plus cette pensée s'imposait à son imagination, et plus il en mesurait les conséquences. N'avait-il pas le droit de se méfier des entraînements subis? En attendant, les jours se passaient dans une solitude profonde que la bigorne et Noël troublaient à peine. La lecture et la marche se les partageaient. On comptait les heures moins que les paroles. Quand un souvenir l'obsédait, il s'armait d'un bâton et bientôt après, on le découvrait dans les bruyères, marchant d'un pas égal et ne reparaissant que le soir, plus calme et l'esprit en repos. Ses promenades lui étaient saines. Une certaine honte le prenait à la pensée qu'un indigne amour eut le premier pénétré dans son âme et s'en fut rendu maître. De si vifs élans, si sincères, si impétueux, un enthousiasme si pur et pour qui? L'Empire n'appartient donc pas au bien, et n'était-on pas en droit de tenir en bride d'un cœur qui s'éprenait si violemment d'une idole perverse? Sa correspondance chômait un peu. Il n'écrivait guère qu'à M. de Carlepont et à Gilbert. À l'un, il ouvrait son âme, il recevait de l'autre 1000 confidences. Au retour des chasses qu'il entraînait au milieu des marécages, le duc lisait à M. de Bléré les lettres de son fils. Quelquefois, le gentilhomme breton pressait son ami de retourner à la Cormelle. « Oh que non !» répondait le duc. « Henri livre bataille à la jeunesse. Il faut qu'il apprenne à s'en tirer par ses propres ressources. Il a subi les enseignements du travail. Je veux savoir quel conseil lui apportera la solitude. » Auprès d'Henri, la bigorne se taisait. Un sentiment d'une délicatesse toute féminine lui disait qu'il ne fallait pas troubler, par une amitié bruyante et trop zélée, cette âme qui se repliait sur elle-même et s'interrogeait. Comme elle avait toutes les tendresses d'une mère, elle en avait aussi l'instinct et comprenait vaguement qu'une blessure y saignait et qu'il en sondait la profondeur. Elle veillait donc autour de lui comme auprès d'un convalescent que l'air de la campagne doit rappeler à la santé. La bigorne lui faisait du silence et du repos. Pour elle, c'était toujours le garçonnet qu'elle avait vu se roulant sur l'herbe parmi les chevreaux. Il avait, comme autrefois, les mêmes mélancolies et la même pâleur. Il voulait donc les mêmes soins. Parfois, cependant, Lorsque le regard d'Henri l'y conviait, elle s'asseyait auprès de lui et l'interrogeait avec un mélange de réserve et d'affection. Aux descriptions qu'il lui faisait de Paris, elle joignait les mains avec un geste d'effroi. « Tant de maisons, » dit-elle un jour, « et tant de monde, on doit étouffer là-bas. On y brûle. » Cela fut dit avec un accent qui émut la Bigorne. On y sentait comme l'écho de lointaines douleurs à demi oubliées. Elle lui jeta les bras autour du cou et l'embrassa sans savoir pourquoi. La petite bourse qu'Henri avait reçue de la Bigorne était toujours à portée de sa main, sur un guéridon chargé de ses livres familiers. Il s'en emparait souvent et semblait, en la regardant, lui demander le secret de ses propres pensées. Elle lui était chère, et il aurait été fort en peine de dire pourquoi. Il était impossible sérieusement qu'il aimât celle qu'il avait laissée à la Cormel. Pour rien au monde, cependant, il ne s'en serait séparé. Un matin, il trouva auprès de cette bourse un médaillon que Madame d'Albreuse lui avait donné dans d'autres temps et que la Bigorne avait découvert au fond d'une balise. Il prit entre ses doigts la bourse et le médaillon. C'était comme deux routes qui s'ouvraient devant lui. L'une s'enfonçait dans un passé misérable, plein d'ombre et de trahison, et tout déchiré parmi l'épine. L'autre courait vers un avenir inconnu. Les souffrances n'y seraient pas moindres, peut-être, mais il en sortait un parfum de jeunesse et de chasteté qui fortifiait le cœur. Un élan poussa Henri dans la campagne. Il courut droit vers une rivière qui bouillonnait sur un lit de cailloux, à une petite distance de la Cormel, et précipitant le médaillon au plus profond des eaux. « Périsse ce souvenir d'un amour empoisonné » s'écria-t-il, « et périsse avec lui tout ce qui le rappelle et tout ce qu'il en reste. » Il revint d'un pas plus léger à la Cormel. Il lui semblait qu'une chaîne invisible dont les anneaux le blessaient venait de se briser en lui. À quelques jours de là, un soir, étant devant la porte de la métairie, les yeux noyés dans les feux du soleil couchant, il aperçut tout à coup sur la route la silhouette noire d'une femme qui passait à cheval. Il rougit et se leva. La Bigorne, qui travaillait auprès de lui, tourna la tête à demi. « Non, ce n'est pas elle, » dit-elle doucement. Quelques bonds emportèrent le cheval qui disparut dans le crépuscule. « Non, ce n'est pas elle, » répéta Henri tristement. La Bigorne appuya la main sur son épaule. « Savez-vous ce que je ferais si j'étais le fils de monsieur le duc de Carlepont, notre maître ?» reprit-elle. « J'irai là où elle est. Nous sommes dans la saison où les oiseaux font leur nid. Pourquoi n'y aurait-il pas là-bas un brin de mousse et de duvet pour vous ?»« Sais-tu bien, » répondit Henri en souriant, « que ce n'est rien moins qu'un mariage que tu me proposes là. Eh bien, quel mal y voyez-vous ? Le mariage n'est-il pas une chose bonne et sainte ? On se marie beaucoup dans le pays, et pour le faire, on n'attend pas d'avoir le poil gris. Nos voisins n'en sont pas plus malheureux. Vous ne m'avez point fait de confidence, mais à la pâleur que vous aviez sur les joues, quand vous êtes revenu de Paris, aux langueurs qui vous prennent depuis votre retour, à vos silences interrompus par des soupirs, il n'est point trop difficile de deviner ce que vous avez laissé là-bas. Il y a des écorchures en dedans de vous. Quand on a votre jeunesse, on ne signe point de bail avec la sagesse, à moins d'avoir quelque chose qui vous y attache et qu'on puisse aimer. Une femme et des enfants vous donneront ce qui vous manque, et vous n'irez plus aux aventures. Or, la meilleure compagne que vous ayez chance de trouver, c'est encore cette belle demoiselle qui, du premier coup, étant petite, s'est mise à vous aimer et qui, plus tard, est revenue au logis où elle vous a rencontré. Cela prouve qu'elle a de la mémoire, et la bourse que vous tournez si souvent dans vos doigts témoigne qu'elle a bon cœur. C'est de ce côté-là qu'il faut aller, monsieur Henri, et la chose arrangée à mon idée, vous remercierez la Bigorne. » Henri ne dormit pas de la nuit. Les paroles de l'honnête fille ne lui sortaient pas de l'esprit. Les simples ont parfois le don d'aller au fond des choses et de donner les conseils les meilleurs. Pourquoi n'agirait-il pas comme la Bigorne l'engageait à le faire? S'il était obsédé par des chimères, il s'en apercevrait bien vite, et les voyant face à face, il n'y penserait plus. Si au contraire quelque chose de sérieux résultait de cette visite, il le saurait et agirait d'après les mouvements de son cœur. Et d'ailleurs, n'y avait-il pas pour lui, qui portait le nom de Carlepont, un intérêt réel à se présenter au château de la Morlaix? Peut-être découvrirait-il les causes de cet éloignement et pourquoi ne pas dire franchement les choses de cette aversion dont il avait saisi la trace impérissable dans les paroles échappées à Léopoldine. « Allons. Je partirai, » dit-il en fermant les yeux.